18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour à tous, bienvenue sur Croc Radio 89.1.5. Aujourd'hui, on reçoit Illy sur Convergence. Bienvenue, Illy. Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs. Attends, excuse-moi, t'as pas entendu, du coup, on recommence. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux auditeurs, merci pour l'invitation, encore une fois. Yes. Et du coup, bonjour Kevin aussi. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Voilà. Ouais. C'est bon, tout le monde nous entend. C'est tout bon. C'est tout. Ouais. Ok. Là, ouais. Ok, bah, c'est tout bon. Bah, alors, bonsoir, bonsoir. Bah, bienvenue sur Convergence. Donc, on va commencer par une petite interview, si ça te dit. Eh ben allez, j'ai mon micro, je crois qu'il marche, faut que ce soit. J'ai l'impression que le mien, je sais pas, j'entends pas bien. Ouais, là non, je sais pas, ouais. Si on m'entend, ouais. Je sais pas. Je sais pas non plus. Toi, c'est les micros 2 ou 4. Ah bah le 4, il est là. Le 2. Là, ouais, là ah, c'est okay. Bon. Ah, on y est, on y est. C'est le week-end, c'est le week-end. Eh ben, bienvenue à tous maintenant qu'on nous entend. La magie des micros. Exceptionnel. La magie du live, surtout. Surtout. Bon, bah alors du coup, comme on disait, on va faire une petite interview, du coup, pour que tu te présentes un peu, Illy. Bah, avec plaisir. Donc, du coup, je vais te demander un peu comment est-ce que t'as commencé, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique électronique? Eh ben, écoute, moi, au final, au départ, j'étais plus dans la danse. J'ai dansé très très jeune, donc j'ai toujours eu l'accès à la musique, à la scène. Qui étaient des variantes un peu plus, on va dire, je faisais du modern jazz, après j'ai fait un peu de capoeira, donc du coup les instruments en faisant de ce sport-là m'a initié à la musique. Et au fur et à mesure des événements, du coup les premières sorties en club, donc un peu jeune, tu vois, c'est, je veux dire, il y a 17 ans, 18 ans, du coup, tu rencontres la scène et je suis tombé amoureux de la house à mes 18-19 ans grâce à l'ambassade, tu vois, la première fois que j'y suis allé, révélation totale avec un grand Manu aux platines. Et voilà ce qui m'a donné envie d'exercer ce métier-là. Okay. Surtout la passion de la musique house, en fait. Ouais, génial. Et du coup, comment t'as pu te lancer au niveau du matériel et tout ça? Enfin, tu t'es lancé vers des... Bah, au départ, le matériel, au départ, c'est avec chez les collègues, tu vois. Au départ, t'as des amis DJ, du coup, t'essayes toujours. Est-ce que je peux faire essayer? Tu t'essayes de comprendre et ça devient vite une drogue, en fait. Ouais, c'est hallucinant dès que tu commences à toucher les potards et tout. Ouais. Après, du coup, après, bah, des cours. Un peu des cours de MAO et des techniques de musique, parce que savoir caler une musique, c'est de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, tu vois, de faire un set complet de déjà 1h30, c'est déjà beau, et quand tu fais des sets on night long de 5h, c'est là où ça devient un peu plus pointu, donc c'est de l'entraînement à fond après. Ok. Mais génial. Et du coup, ouais, tu t'es lancé vers la MAO. Ouais, parce qu'en fait, au final, quand tu veux développer dans ce corps de métier-là, et si tu veux quitter un peu la région, il faut te lancer dans la production. Et même en tant qu'orga et DA de Imagine, tu vois. T'es obligé de passer par le MAO pour pouvoir évoluer et quitter la scène locale. Ouais. Ok, parce que ouais, du coup, donc t'es chez Imagine, c'est ça? Donc, ouais, l'asso Imagine collectif qui a 5 ans maintenant. Où on exerce sur le Bellona, sur le Terminal, on a des gigs avec l'ambassade, un peu partout dans les clubs lyonnais, mais les plus grosses résidences, on va citer, c'est Groom, Bellona, Maison Mère, ambassade, et d'ailleurs prochaine grosse soirée, c'est la soirée disco la semaine prochaine au Bellona. D'accord, ouais, mais nice. Et du coup, vous êtes combien de DJ à peu près dans l'image? Écoute, on était 3 et il y en a 2 là qui sont partis, il y en a un qui est reparti en Espagne, donc j'espère on va monter un peu un projet avec lui sur place. Ouais. Et, euh, et Filios qui vient de revenir. Donc là, il est à Paris, il était à Shanghai depuis un an. Et du coup, on est deux encore. D'accord. Et du coup, t'as aussi un label qui est du coup French House Records. Ouais, j'ai signé avec eux l'année dernière, French House Records, que vous avez eu en invitation, je crois. Ouais, il y a deux semaines. Exact. Et semaines. Super adorable, belle équipe. Et donc du coup, j'ai eu l'honneur de pouvoir signer avec eux il y a un an là. Et puis là, prochain EP qui a été validé, qui sort dans pas longtemps. D'accord, nice. Et du coup, est-ce que tu as des projets aussi à l'international ou national d'ailleurs aussi? Bah, national, ouais, là, début mars, Paris. Ouais. Sur un gros gigs avec des potes qui ont une émission de radio aussi sur. C'est sur Rise FM. Ah, du coup, qui lance leur premier event. Et du coup, j'ai eu leur invitation, donc c'est super cool. Après, sur Marseille, moi j'ai fait pas mal de gigs un peu partout. Je crois que même à Vienne, j'étais déjà venu jouer. Ouais. Nice. Avec les gars, je me rappelle plus quel collectif, super sympa en plus. Ok. Ouais. International, on verra où les prods nous ramènent. C'est ça, ouais. On y croit. Mais de toute façon, faut bosser. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, pour les bookings, être international, même au national, c'est beaucoup par les prods et. Par les DJ qui les jouent. Avant, à l'époque, c'était les résidents de clubs qui s'échangeaient en résidence. T'invitais les collègues. Maintenant, vu que ça fait un grand boom, il y a énormément d'artistes. Donc, du coup, pour se démarquer, c'est souvent la prod. Et après, il y a des très bons producteurs qui sont mauvais DJ et vice versa. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, du coup, c'est à double tranchant. Faut juste être assidu et. Et bien bosser. Ouais, et du coup ça se passe comment un peu? C'est donc le label qui va envoyer du coup des projets audio à des boîtes, à des maisons de disques ou à des Là en fait nous on fonctionne plus moi vu que je connais pas mal d'artistes français ou même internationaux maintenant, du coup tu leur envoies plus tes tracks et t'attends leur retour, tu vois. Il y en a qui peuvent te jouer sur des grosses scènes et t'envoyer la vidéo, et du coup ça fait un petit tremplin et après il faut être bon en community management, tu vois, faire tourner ça. Après c'était vente sur les beatport, les top que tu fais, plus t'auras de visibilité sur internet sur ce créneau là et plus vite tes gigs iront vite. Ouais, ok, exactement. Ouais. Et d'accord, et donc du coup, sinon au niveau de comment ça se passe quand tu fais tes événements, je veux dire, est-ce que du coup tu démarches les boîtes, est-ce que... Avant, mais maintenant, plus, parce que du coup là avec JMC, c'est ma bookeuse, celle qui s'occupe un peu de tout ce qui est booking maintenant. Donc avant je m'en occupais, puis c'est un boulot monstre. Ouais. Et c'est un autre métier, donc heureusement que j'ai réussi à avoir une bookeuse. Et sinon non, c'est maintenant on vient directement vers moi pour des bookings. Ouais. Et après, tu vois, il suffit d'une fois où tu fais une bonne impression, deux fois pour avoir des résidences, tu vois, comme le Groom. J'ai joué deux fois et puis maintenant on m'a proposé une résidence directement sur le lieu. La maison mère, c'est pareil, ça fait 4 ans maintenant que je suis résident avec eux. Et l'ambassade aussi. Ouais, l'ambassade, le mythique. Ouais, non, il faut juste, c'est de l'assiduité, bien bosser. Et du coup, ça paye. Ouais, non, mais paye, cool, pas forcément cool. De taper à tirer les t-shirts. T'as pas une date. envoyer 1000 mails. Ouais, non, je suis pas très comme ça. Je suis pas trop comme ça, tu vois. Genre, ouais. Moi, j'aime bien qu'on te book pour ton talent et pas pour peu importe quoi. Ouais, pour d'autres raisons, ouais. Exact. Et du coup, c'est au niveau de l'enchaînement des dates et tout, est-ce que tu trouves que c'est un peu difficile des fois d'enchaîner avec 3-4 dates en 3-4 jours? Faut pas se torcher. Et là, le secret, faut y aller doucement. Ouais. Non, moi, tu vois, j'ai arrêté, on va dire, attention, l'alcool est, est mauvais pour la santé. Ouais, l'abus d'alcool, on est bien d'accord. Mais il faut avoir une hygiène de vie qui est beaucoup plus carrée, parce que sinon, sinon c'est pas possible. Tu peux pas t'enchaîner, parce que des fois tu dors 3 heures, tu t'enchaînes de ville. Moi, j'ai fait une fois, genre enchaîner montagne, Paris, Lyon, sport. Sport. Donc, tu bois pas, tu bois même une bière, deux bières à la rigueur, parce que t'es obligé de trinquer avec les orgas, tu vois, ou les gens qui sont sur l'event. Mais au départ, tu vois, tu te mettais la race avec, et le lendemain, quand tu dois prendre ton avion, t'es jet lag. C'est foutu. Tu cherches ta clé USB pendant 5 jours avant de jouer. C'est difficile. Ok, bah parfait. Bah écoute, en tout cas, un vrai plaisir. Bah merci beaucoup. Et du coup, on va enchaîner avec un petit mix. Allez, c'est parti, je vais me mettre en place. C'est tout parti, merci bien. h 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. You know the time is right.

let it all flow to me. I am in the mood to let it all flow. Convergence, culture et musique électro underground. Et tout de suite, on va passer à l'agenda de Kevin, du coup. Voilà, on y arrive, c'est parti. Effectivement, et aussi également un grand merci à Eli pour ce set qui nous a régalé, ouais. En tout cas personnellement. Merci à tout le monde, merci aux auditeurs, J'espère que vous. C'est gentil. J'espère que vous êtes prêts à faire l'apéro maintenant. Donc du coup, pour cet agenda, on va avoir ce soir donc au Groom, d'ailleurs, avec donc le Club Janvier, où du coup on a pu aussi voir Illy jouer d'ailleurs il y a pas très longtemps. Donc ce soir ce sera Yass et ce sera de 19h à 4h. On aura également donc la médiation électronique, donc qui sera jouée par Yoz, qu'on a pu entendre juste avant, et moi-même, donc ce soir de 21h30 à 1h30 avec un special guest qui vient tout droit de Leicester. Ce sera une soirée pétillante, comme on peut dire. Et puis sinon, on aura aussi The Freaks Come Out. Donc, ce sera donc, du coup à la Cour des Grands. Donc, une soirée qui est une fois tous les deux mois. Donc ça, ça, ça s'annonce déjà une soirée... Avec DJ Pemour et Wavesonic. Ah, non, c'est Wavesonic, attends. Je dis pas de conneries, attends. Ah, ça peut être DJ Peel, non? Ouais, DJ Peel, ouais, c'est DJ ça, DJ Peel. Ouais. Ouais, donc, une soirée... Ça promet aussi également, toujours, et on va avoir donc Zoukorp qui invite Mister Oiseau, et donc ça sera au petit salon, et ça c'est déjà complet, mais sait-on jamais, peut-être qu'on peut trouver toujours des places sur Facebook ou autre. Et ensuite, demain, pour continuer ce week-end incroyable, on va avoir donc la Sunset Society donc au Sucre avec Miss Kittin et Pimour. Également, et ça sera de 17h jusqu'à 23h, donc surtout bien penser que normalement c'est gratuit avant 18h, mais la queue s'annonce déjà à mon avis assez impressionnante. Voilà tout, et donc sur ce, on va continuer sur un dernier morceau de Illy pour finir tout ça en beauté, et on se verra donc la semaine prochaine pour une prochaine émission, donc de 18h à 19h avec Love Reaction du coup. Ciao. Merci à tout le monde, merci à l'équipe. Un grand merci à toi. Avec plaisir, c'était un grand plaisir. Super. Merci Vienne. Allez, bon week-end. Salut. Salut. Yeah. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.